Hey there, fellas. You know that 9 out of 10 ladies prefer the athletic man? Why stay on the sidelines when the new Sport Boost line of plasmids can turn you into the jock you always wanted to be? Come and visit us at the MedFast for a free 2-hour trial. You'll appreciate the difference. She will too. A rapture reminder. Wanting an item from the service is forgivable. Buying or smuggling one into rapture is not. Stay on the level and out of trouble. What's the matter, Frank? It's this thinning hair, Jim. Every day there's less and less. You know, the problem's not in your hair. It's in your jeans. Hey, I don't go in for all that splicing stuff. My buddy says it's not safe. Shows you what your buddy knows. Go over to Genetic Horizons for a trial of fresh hair. Fresh hair is not only gives you a full head of thick hair, but it's 100% safe. Full head of hair? And 100% safe? Maybe it's time for me to get a little fresh hair. A rapture reminder. The bottom of the ocean is our home, but it can also be a dangerous place. Any leak is a bad leak. Report any unexplained water promptly to the Central Council. J'ai passé la matinée à discuter avec la scientifique allemande. C'est vrai qu'elle est traumatisée, comme ceux qu'ils ont récupérés dans les camps. Mais elle n'est pas folle. Elle va gagner tellement d'argent que la fortune de Ryan sera ridicule à côté de la sienne. Elle a simplement besoin de matériel pour avancer et d'un ami pour la protéger. Fontaine savait que nos gars arrivaient. On était coincés. Les chromosomes jaillissaient de la charpente en hurlant, crachant le feu et la glace. On aurait dit les démons de la Bible. J'ai jamais rien vu de tel. C'était pas une affaire qu'il était en train de monter, mais une armée. Monsieur Ryan, je crois en rapture, mais ça ne veut pas dire qu'on gagne toujours. Fontaine Futuristics est ce qui se passe de plus important à rapture. Aussi, je vais être clair, quand nous arrêterons cette ordure de Fontaine pour vol et contrebande, qu'il soit bien entendu que nous ne toucherons pas à ses affaires. Nous tenons les membres du Conseil parce que ces pauvres sots nous font confiance, pas parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Les braves gens de Rapture ne sont pas venus ici pour voir leur gouvernement fermer les boutiques et abattre leurs propriétaires, même un macro comme Fontaine. Mais il l'a bien cherché. Au lieu de préparer son coup tranquillement, il a cru qu'il pourrait se pointer et canarder à tout va. Il se prend pour John Wayne ou quoi? On peut s'en sortir, je le sais. Et voilà ce qu'il faut faire. Découvrir quelle était la volonté de Fontaine et faire en sorte que son succès profite à ceux qui devaient en bénéficier, pas à ceux qui l'ont envoyé dans l'au-delà. Comme si on n'avait pas assez d'ennuis. Je crois que même notre système d'alimentation en eau a des fuites. Ouais, c'est vrai. Le système d'irrigation d'Arcadie prend l'eau de mer. Quand on a construit cet endroit, j'ai dit à M. Ryan qu'il fallait le construire comme une baignoire pour éviter que ça devienne un cloaque. Il m'a répondu, non, McDonagh. Nous n'allons pas construire une baignoire. Nous allons construire le paradis. J'ai rencontré Ryan en faisant la plomberie de ses toilettes dans un immeuble chicose de Park Avenue. Il arrive et me dit « Pourquoi ce siphon en cuivre ?» L'entrepreneur m'a parlé d'étain. J'ai répondu « Bah, c'est l'entrepreneur qui va venir vider vos toilettes tous les 15 jours. » « Vous m'oubliez pas, patron, si c'est la facture qui vous inquiète, le siphon, c'est pour ma poche. » « Et pour quelle raison ?» qu'il me demande. « Ben, monsieur Ryan, bénéfice ou pas, il ne sera pas dit que quelqu'un devra vider des toilettes installées par Bill McDonagh. » Le lendemain, j'étais le nouvel entrepreneur de Ryan. Rapture change, mais Ryan ne voit pas les loups rôder dans les bois. Fontaine est un escroc et un voleur, mais il a la dent et ça fait de lui le chef. Il engloutit tous ses bénéfices dans des plasmides toujours plus évolués et dans ses asiles de pauvres. Des centres de recrutement pour Fontaine, ouais. Avant longtemps, ce cinglé aura une armée de chromosomes à ses ordres et il va nous arriver toutes sortes de misères. Nous avons vu Macha aujourd'hui. Nous l'avons à peine reconnue. Sam a dit que c'était elle. Je lui ai dit qu'il était fou. Cette créature, notre Macha. Mais il avait hélas raison. Elle aspirait le sang d'un cadavre près des pêcheries et elle est repartie main dans la main avec un de ces affreux golems. Macha, Sam l'a appelé, mais je n'ai rien dit. Sam avait perdu la tête. Cette chose n'était pas notre Macha. Macha, chérie, nous ignorons ce que tu es devenue. Les hommes de Ryan t'ont emmené parce qu'ils avaient besoin de toi pour sauver Rapture. Comment pourrais-tu sauver une ville? Je vois des fillettes sortir des aérations. Et je me dis que toi aussi, tu le feras peut-être un jour. Et que tu trouveras ce mot. Nous te cherchons. Mais si tu trouves ce message, rejoins-nous au Fighting McDonagh, chambre 7. Le code de notre porte est 7533. Tu nous manques, ma chérie. L'Irlandais obèse m'a proposé un marché. Je leur balance Fontaine et je peux me tirer d'ici. C'est pas compliqué. Mais comment savoir si ce gros lard n'est pas avec Fontaine? Ils sont peut-être tous avec lui. Fontaine a de la dent et tout le monde en veut. Ryan est un beau parleur sapé comme un prince. Même ici, un idiot peut voir de quel côté le vent souffle. Bon, voilà le code. 9332. Vous pouvez l'utiliser pour votre cellule, mais je vous préviens, dès que vous en sortirez, vous appartiendrez à Fontaine. Vous quitterez une prison pour une autre. Faites ce qui vous chante, mais n'allez pas croire que vous avez gagné votre liberté. Fontaine nous met la pression, et pas qu'un peu même. Il nous extorque 80% de notre part, et il menace de nous dénoncer à Ryan si on ne joue pas le jeu. Espèce d'enfoiré. Sammy G est venu me dire qu'il irait peut-être voir la police, et le lendemain, on l'a retrouvé dans un sac au fond du marais salant. Ici, on n'a pas le choix. Si on reste dans l'équipe de Fontaine, on finira sur la potence. Si on fout le camp, on connaîtra le même sort que Sammy G. Doit bien y avoir un autre moyen. On est venu ici en croyant faire partie de la grande chaîne de Ryan. Mais la sienne est en or et la nôtre plutôt du genre de celle qu'on traîne au pied avec un gros boulet au bout. Il est là-haut, dans la forteresse folâtre, en train de culbuter des mannequins. Nous, on patauge dans ce trou à vider du poisson. Avec Fontaine, on peut espérer mieux. Il est comme nous, vous savez, mais il a jamais eu besoin de travailler. Il dit de le rejoindre à sa boîte de conditionnement à 11h. Je vais y aller avec des gars. On sait jamais, ça pourrait empirer. Au début, c'était simple. Avec le sous-marin de poche de Fontaine, on remontait deux fois par semaine pour rapporter des marchandises introuvables dans un endroit isolé, comme Rapture. De la viande, du vrai tabac, des petits extras... Et voilà que Ryan et sa clique déclarent que la contrebande est un crime passible de pendaison. De pendaison! Il dit que les contacts avec la surface pourraient détruire la ville. La seule différence entre ici et la surface, c'est qu'on peut jamais ouvrir la fenêtre. On boucle toutes les bathysphères jusqu'à nouvel ordre. Ryan nous a demandé d'installer une sorte d'appareil génétique à l'intérieur pour que lui et son cercle puissent être les seuls à pouvoir les utiliser sans autorisation. Les gars me disent que les clés ne sont pas vraiment fiables. Ses sœurs, ses cousins et tous ses proches génétiques pourront aller et venir comme bon leur semble. La pendaison, maintenant? Nous en sommes donc arrivés là? Je ne suis pas celui qui dicte les lois ici, je ne fais que les appliquer. Mais je ne suis pas venu à Rapture pour pendre des contrebandiers. Si Ryan et ses hommes veulent vraiment appliquer leurs lois, je leur rends mon insigne. Timmy, si tu nous donnes Fontaine et sa bande, tu seras bientôt en train de siroter une pinte au Fighting McDonagh's. Mais si tu fais ta tête de mule, on te traitera comme une mule. Donne-lui un avant-goût, Patrick. Ah ah ah ah ah Comment? On a changé d'avis, Timmy. Timmy, tu vas parler maintenant. Vas-y, Suliman. Continue ton sale boulot. Ryan, il me fait pas peur. Fontaine a les moyens de me faire bien pire que tout ça. Mon étau se resserre sur toute la bande. Je pourrais me féliciter, mais ils sont loin d'être des desperados assoiffés de sang. Rapture abrite beaucoup de poètes, d'artistes et de joueurs de tennis. Pas de mercenaires. Mais leur chef, ce Fontaine, il semble très doué pour la magouille. Il se mouille juste assez pour bien faire comprendre à certaines personnes qu'il ne plaisante pas. Ils ont capturé Timia juste après minuit. Maintenant, c'est inévitable. Soit Ryan descend Fontaine, soit Fontaine descend Ryan. On va interroger ce pauvre Timmy près des pêcheries. Si vous avez envie de vous amuser, voici le code. 5380. En faisant ma promenade aujourd'hui, j'en ai rencontré deux. Lui, un gros bateau engoncé dans une combinaison de plongée à l'odeur infecte. Et elle, hirsute et crasseuse, vêtue d'une blouse rose immonde. Elle était d'une pâleur inhabituelle, verdâtre et morbide. Il y avait quelque chose de désagréable dans son comportement, comme si elle vivait dans un monde différent. Je comprends l'utilité de ces créatures, mais je souhaiterais qu'elles fussent plus présentables. La peine de mort à Rapture. Le conseil est en ébullition. Ils se plaignent des émeutes. Il est grand temps de remettre de l'ordre et de réprimer la contrebande. Le moindre contact avec la surface expose Rapture aux parasites que nous voulons fuir. Quelques coups étranglés sont un faible prix à payer pour défendre nos idéaux. Il faut nous occuper du cas de Fontaine. Alors que j'achetais des immeubles et que j'investissais dans le poisson, il accaparait le marché des génotypes et des nucléotides. Rapture se transforme sous mes yeux. La grande chaîne s'écarte de moi. Il est peut-être temps de tirer dessus. Il faut surveiller Fontaine de près. Il n'était naguère qu'une menace qu'il suffisait de convaincre et de pendre. Et il s'arrange toujours pour ne jamais être là où sont les preuves. Il fait partie des escrocs les plus dangereux. Ceux qui ont une vision. Ma chère Diane, j'en suis navré, mais je serai encore en retard ce soir. Rosenberg veut que nous parlions encore du cas de Fontaine. J'essaie de mettre en place un marché financier décent et ce crétin ne parle que d'Adam et de manipulation génétique. Je vais faire semblant de prêter attention à ce pauvre diable pendant une heure et je rentre au plus vite. Andrei. Ah, vas-y, Sullivan! Continue ton sale boulot! Ryan, il me fait pas peur! Fontaine a les moyens de me faire bien pire que tout ça! Cette limace de mer est arrivée et a fait ressurgir toutes les idées folles que j'avais eues depuis la guerre. Elle ne soigne pas seulement les cellules endommagées, elle les ressuscite. Je peux tordre la double hélice. Le noir peut renaître blanc, le grand petit, le faible fort. Mais les limaces ne suffisent pas. Je vais avoir besoin d'argent et d'une autre chose. Tous les laboratoires respectables m'ont fermé leurs portes. Je me suis tournée vers les contrebandiers de Port-Neptune pour m'approvisionner. Les hommes de Fontaine sont des porcs. Ils crachent et empestent à des kilomètres. Mais ils livrent à leur dite et ne posent pas de questions. Ils tremblent tous devant Fontaine. Ils me rappellent ce docteur nazi qui était tellement efficace. Je ne serais pas surprise qu'ils prennent bientôt les choses en main. Aujourd'hui, j'ai vu un contrebandier jouer à la balle sur le quai. J'étais très étonnée, car ses mains avaient été mutilées pendant la guerre. Il avait été mordu par une limace de mer en déchargeant la barge quelques jours auparavant. Le lendemain, il a constaté qu'il pouvait bouger les doigts pour la première fois depuis des années. Je lui ai demandé s'il avait toujours cette limace de mer. Et par bonheur, il l'avait. Vous avez fait sauter un fusible, je n'y vois rien dans cette cabine. Laissez-moi un instant et je vous sortirai de là. Moira, chérie, est-ce que tu m'entends? Je viens te chercher. Tiens-moi encore une minute. Des chromosomes. Je ne peux pas vous laisser vous promener tout nu comme ça. Je vous envoie mon arme. Vous la trouverez dans le pneumatique le plus proche. Un adulte terrifié comme un môme par des fantômes. Fontaine est mort, tout le monde le sait, ça. Des mois qu'il pourrait s'y pieds sous terre. Mais il sursaute encore, croyant voir son ombre. Même Ryan, vous imaginez? Moi, oh, tout ça n'a pas d'importance. On a du pain sur la planche. Vous avez l'appareil photo de recherche? Très bien. Je crois qu'il est temps de nous mettre au travail pour le vieux Peach. Prenez ces photos et partez vite d'ici. Voilà des ennuis. Je vais vous aider de mon mieux. Que s'est-il passé? Sortez si vous pouvez. Sortez et nous nous regrouperons. Sortez! Sortez et gagnez l'Arcadie! Mon Dieu! C'est ici que ma femme et moi, on a eu notre premier rendez-vous. Vous devez croire que je suis cinglé d'emmener une dame dans un bouge pareil. Mais vous ne connaissez pas Moira. Donnez-lui un collier de perles et une robe de soie. Elle vous danse la valse comme une princesse. Donnez-lui une chanson de marin et une bouteille de rhum. Elle vous fait rouler un pirate sous la table. Bonne nouvelle. J'ai réussi à localiser un des voyous de Peach. Et devinez quoi? Il avait votre pistolet sur lui. Je vous l'envoie par le pneumatique le plus proche. Je crois que ça devrait suffire. Quand vous serez prêt, regagnez les pêcheries Fontaine, je vous prie. Vous entendez ma famille dans le sous-marin? Vous entendez du bruit? Vous avez pu apprécier la compagnie d'Andrew Ryan. C'est lui qui a bâti cette ville. Et c'est lui qui est en train de l'amener à sa perte. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Il a peut-être perdu la tête, ou la soif de pouvoir la consumer. Ou alors, il s'est découvert une vocation de misanthrope. On peut tirer des plans sur la comète pendant des heures. Toujours est-il que des braves gens sont morts. Ma famille se cache dans un sous-marin, dans les pêcheries Fontaine. Je vous retrouve là-bas. Actionnez l'interrupteur dans la cabine de contrôle et laissez-moi entrer. Je crois qu'il est grand temps de nous serrer la main et de faire connaissance. Ils sont partout. Je ne peux pas les retenir, je dois me replier. Sortez ma famille de là. Nous nous regrouperons dès que possible. Quand je pense à ma femme et à mes enfants cachés dans ce sous-marin crasseux, j'ai envie de tout casser. Aidez-moi à les mettre en sécurité. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Je pense pouvoir m'occuper d'un robot pour vous, mais c'est tout ce que je peux faire. L'appareil photo de recherche ressemble à ceux que vous avez à la surface. D'après un article dans un magazine que j'avais emprunté, il peut aussi enregistrer des informations génétiques, analyser les structures biologiques et beaucoup d'autres choses très compliquées. La baie sous-marine n'était utilisée que par les contrebandiers et les voleurs. Ma main a coupé que l'entrée sera bien cachée pour ne pas attirer l'attention de la police. Vous l'avez eu. Tout devrait bien se dérouler maintenant. Je vous retrouve plus loin. Un petit conseil avant que vous n'entriez dans les pêcheries. Le vieux Peach m'a l'air aussi tordu que la main droite du malin. Alors, ouvrez bien l'œil, d'accord? La sous-marin, non! Si c'est son prix, il va falloir le payer. Mais il ne peut pas vous prendre vos plasmides, si? Je suis devant la baie sous-marine, mais je ne peux pas entrer. J'ai besoin de vous. Mon Dieu, je suis à moins de 100 mètres de ma famille. Je crois que le vieux Peach sait où trouver un appareil photo de recherche. Il a l'air d'un type comme il faut. Il ne vous fera pas de mal. Il attendra que vous ayez trouvé ce qu'il veut, avant de vous planter une lame dans le ventre. Tenez, l'ami, voici un cadeau pour cette chienne de garce. Faut lui coller juste entre les deux yeux. Alors, vous avez des photos pour le vieux Peach, ou vous êtes là pour admirer le panorama? Personne ne peut se pointer ici avec des flingues. Mettez vos armes dans le pneumatique. Après, je vous laisse entrer. Nobody walks into my swampy carrying heat. Put your weapons on the conveyor belt, and then I'll let you in. Je parie que quand votre patron s'est échappé de l'enfer, il a dit au diable qu'il revenait tout de suite, et le diable lui a répondu « Bien sûr, monsieur Fontaine, je vous garde une place. » Ryan a juré que Fontaine n'était plus que poussière, et vous voilà en train de faire son sale boulot. Ce qui fait de Ryan un minable et de vous un... Enfoncez-vous bien ça dans le crâne! Si je sens l'odeur de Fontaine sur vous, vous finirez dans une boîte à Atlas répond de vous. Et cependant, c'est pas parce qu'il me fait son numéro que je vais me laisser endormir. J'ai qu'une parole. Je vous ai envoyé un truc très chouette par jet postal. Vous trouverez ça dans le pneumatique, prêt à servir. Je croyais que vous aviez eu votre compte. Vous avez quelque chose pour moi et mon équipage, ou vous venez vous faire débiner? Attendez une petite seconde. Je vais faire du café, sortir les couverts en argent et tout ça. Ils sont faciles à dégommer quand on a fait des recherches sur eux. Entrez et montrez-moi un peu ces photos. Bon, vous avez l'appareil photo. Maintenant, je veux des photos de ces chromosomes plafonniers. Et ce n'est pas la peine de revenir tant que vous ne les aurez pas. Tenez bon, je vous envoie ce qu'il faut pour vous protéger. Des photos? Je veux des infos sur les chromosomes. Mais c'est pas la peine de revenir ici avant d'avoir des photos. Sinon, vous finirez en petits lambeaux de chair. Allez, foutez-moi le camp! Atlas m'a dit que vous avez mis la main sur l'appareil photo. Je pensais que vous étiez bon pour la morgue. Bon, alors voilà ce qu'on va faire. Moi, je vais foutre le camp d'ici, mais avec tous les ingrats qui traînent dans le coin, mes chances sont minces. Faites des recherches sur ces chromosomes pour moi, et je vous laisserai entrer dans les pêcheries. Si vous m'aidez, on aura peut-être tous les deux une petite chance de s'en sortir. Dites voir, vous devriez pas être en train de prendre des photos. Vous avez des ennuis là-dehors? Je suis pas contre l'idée de vous donner un coup de main, seulement faudrait voir à ce que ce soit dans les deux sens. Donnant, donnant. Et voilà ce que je vous propose. Vous me dégotez des mines de proximité, vous mettez tout le bazar dans le pneumatique jet postal, et je vous refile quelque chose de chouette en échange. Atlas a appelé. Il a dit que vous aviez besoin d'entrer dans les pêcheries. Pour moi, c'est une sottise. Mais si vous allez dans le bureau du capitaine et que vous trouvez un appareil photo de recherche pour Pitch, je pourrai m'arranger pour vous faire entrer. Celui-là est trop coriace pour vous. Regardez sur le tapis roulant, il y a de quoi vous requinquer. Maintenant, allez chercher l'appareil et prenez des photos de ces sales bestioles accrochées au plafond. Après, vous pourrez entrer dans les pêcheries. C'était quoi? Mon ami, vous êtes fichu. Il fait si sombre. Si seulement votre ami pouvait lever les yeux et vous voir, vous pourriez le prévenir. Si seulement vous pouviez faire quelque chose, n'importe quoi, plutôt que de rester là, à le regarder mourir. Bien. Je crois que la plaisanterie a assez duré. Si vous appuyez sur ce bouton, vous allez comprendre ce que c'est que d'être vraiment mon ennemi. Vous vous introduisez comme un assassin avant de filer comme un voleur. Vous n'êtes pas un barbouze de la CIA. Qui êtes-vous? Qu'êtes-vous venu faire ici? Il y a deux manières de résoudre un mystère. Soit le découvrir, soit le détruire. Vous ne pouvez pas partir. Fontaine vous trouvera. Hé, hey, j'emmerde Fontaine. Vous n'emmerdez pas Fontaine. C'est Fontaine qui vous emmerde. Vous n'emmerdez pas Fontaine. C'est Fontaine qui vous emmerde. Hé, hey, j'emmerde Fontaine. Peut-on en vouloir à une femme qui aime la diversité? Les hommes ont arrêté d'appeler. Until nothing's left except a long decline! Ma jeunesse, ma rose, je veux la retrouver, je la veux! if I didn't care more than words can say. If I didn't care, would I feel this way? If this isn't love, then why do I thrill? And what makes my head go round and round while my heart stands still? If I didn't care, would it be the same? Would my every prayer begin and end with just your name? And would I be sure that this is love beyond compare? Would all this be true if I didn't care for you? Qui vient ramper dans mon jardin? Tenez, l'ami, voici un cadeau pour cette chienne de garce. Va lui coller juste entre les deux yeux. Now, you recall that hook lady you just sent on her way. Well, there's more where she came from. Them's that hangs from the ceiling. Them's that tosses the bombs, and etc. If one wants to kill them, one needs to know how to do them up proper. To do that, you gotta study them. Je parie que quand votre patron s'est échappé de l'enfer, il a dit au diable qu'il revenait tout de suite, et le diable lui a répondu: bien sûr, monsieur Fontaine, je vous garde une place. Ryan a juré que Fontaine n'était plus que poussière, et vous voilà en train de faire son sale boulot. Ce qui fait de Ryan un minable et de vous un... Enfoncez-vous bien ça dans le crâne. Si je sens l'odeur de Fontaine sur vous, vous finirez dans une boîte. Atlas répond de vous. Et cependant, c'est pas parce qu'il me fait son numéro que je vais me laisser endormir. Qu'est-ce qui se passe encore? Fair and fair. And deal's a deal. Something for you in the tube. This here'll get you into the 13th Muse. A contraption in there will sell film to a man for too rich a price. But paying swanks a sight better than pushing dirt. J'ai qu'une parole. Je vous ai envoyé un truc très chouette par jet postal. Vous trouverez ça dans le pneumatique, prêt à servir. Je croyais que vous aviez eu votre compte. Vous avez quelque chose pour moi et mon équipage, ou vous venez vous faire débiner? Attendez une petite seconde. Je vais faire du café. Sortir les couverts en argent et tout ça. Hé, hey, l'ami, accordez-moi un instant. Well, you're not half bad when it comes to laying out a beating. Atlas radioed on ahead. Says you were looking for an invite. Not so I say. Fisheries is my house. But I expect I can make an exception. Why don't you show your work an exception? You heads up to the wharfmaster's office, and we'll make acquainted on the way, huh? Atlas! Il était à nous! À nous! You hold tightly! I'm sending something fierce to watch your back! Des photos! Je veux des infos sur les chromosomes! Mais c'est pas la peine de revenir ici avant d'avoir des photos! Sinon, vous finirez en petits lambeaux de chair! Allez, foutez-moi le camp! Vous avez des ennuis là-dehors? Je suis pas contre de vous donner un coup de main. Seulement, faudrait voir à ce que ce soit dans les deux sens. Donnant, donnant. Et voilà ce que je vous propose. Vous me dégotez des mines de proximité, vous mettez tout le bazar dans le pneumatique jet postal, et je vous refile quelque chose de chouette en échange. On est venu ici en croyant faire partie de la grande chaîne de Ryan.